Samedi 14 décembre 2013, aujourd'hui au Grain de Sable d'Attaque Québec, je m'entretiens avec Yannick Marcil en première partie d'émission. Par la suite, ce sera Nicole Moreau et son invité en deuxième partie d'émission. Bonjour à tous, c'est votre animatrice Michèle Monette. Aujourd'hui, donc, au Grain de Sable, c'est la chronique mensuelle de l'économiste Yannick Marcil, les utopies concrètes. Le Grain de Sable, c'est de la musique engagée, c'est votre magazine socio-économique. On parle de ce qui se passe ici, mais aussi d'ailleurs. Tout ceci réalisé par le collectif radio de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières, Attaque Québec. On écoute, avant la chronique avec Yannick Marcil, on écoute ce qui suit. Qu'est-ce qu'ils font, cette bande de nazes? Comme d'hab, ils sont encore là-bas. Je sors la baba qui préchauffe le four. Une soirée de dingo, on s'est lancé le compte à rebours. Je vais chercher ma tedesca à l'épicerie du faubourg. Et ça loupe pas, je croise Teddy au bistrot l'Omerta. On s'en jette quelques sapes et tchap devant des tas. Le fut fini, je retourne à la barre. Tout le monde est en bas. Et vu l'odeur ce soir, mon chat va finir par s'appeler Zeta. Ils sont tous de la partie, on se croirait chez Benetton. Les plus fous sont du travesti, ça fera jaser mes voisins les plus cons. Les miss ont joué le jeu style années 30. Parisie, boire vodka, elles sont envoûtantes. Et quitte à me déguiser, je serai en couverture chauffante. Les discussions vont loin, elles s'en sont même agaçantes. C'est à deux points de se mettre une trempe. Je sors mes herbes aux vertus apaisantes. On n'a qu'une vie et aucune remplaçante. Aux fleurs bleues, pour pas finir avec un œil au beurre noir. Dehors c'est la foire, alors écoute les vieux. Toujours de bons conseils pour les petits gaz ambitieux. Les besogneux que les déboires ont rendu valeureux. Et au jour d'aujourd'hui, c'est n'importe nawa. Que les jeunes ne soient percés qu'à travers les arnaques. Les otages tellement qu'ils en sont insomniaques. Et le fric est devenu leur seul aphrodisiaque. J'aurais pu m'en douter, y'en a un qui a explosé les WC. La faïence est à terre et de l'eau jusqu'à l'entrée. Personne boucable, ça esponge, je les vide. S'il y a une teuf dans une cave, allez hop, ramenez vos mousse. On arrive, c'est la loose. Les collègues sont déjà là et JJ a fini le pack de douce. Et puis merde, on va essayer de rentrer en devoir. Avec nos ganaches, c'est pas gagné. Même s'il y a quelques jolis minois, ça passe. On explose le dance floor. Et au bas, les bouteilles pleuvent. Version hardcore, ça vomit sur le comptoir. Ça s'embrouille avec des connards. Et moi, je vire le DJ et passe du frisson de crevard. Sphinkel, slow, faux et même un bon vieux chalama. Les vides ont rappliqué, on se barre avant de finir au mitard. Il reste 5 survivants et c'est pas bien tard. 6h du mat, c'est l'heure d'aller chez Nana. Gros fleur bleue, pour pas finir avec un œil au beurre noir. Dehors, c'est la foire, alors écoute les vieux. Toujours de bons conseils pour les petits gars ambitieux. Les besogneux que les déboires ont rendu valeureux. Et au jour d'aujourd'hui, c'est n'importe nawak. Les jeunes ne soient percés qu'à travers les arnaques. Les otaves tellement qu'ils en sont insomniaques. Et le fric est devenu leur seul aphrodisiaque. Débarquement chez mon pote le daron. Quelqu'un autour d'une table qui parie leur maison. Nanar ancien légionnaire, il a même été indien. Joli bar en apparence, mais derrière c'est tripot clandestin. Quelques poufs accoudés au zinc. Mes cousses essayent de pécho, mais pas cette classe pour la cringle. Je les épingle et les calme à coup de pression. Je le sens bien, je rentre dans la partie à 300 boutons. L'ancien me sort vite de là, j'étais déjà en caleçon. Ma team est rôtie, même un qui dort entre deux nichons. Il a beau être gentil, le calibre dans le blouson. Il nous prend tous autour d'une table avant de péter les plombs. Nous explique la vie et comment il a réussi. Jusqu'à ce que 8 gyrophares surgissent sur le parvis. Aujourd'hui, je calme mes ardeurs et chante pour lui. Car je suis le seul encore à aller le voir en son prix. Au jour d'aujourd'hui, c'est n'importe nawak. Les jeunes ne soient percés qu'à travers les arnaques. Ils sautent à tel moment qu'ils en sont insomniaques. Et le truc est devenu lorsque la fraudissiaque. Au jour d'aujourd'hui, c'est n'importe nawak. C'était le groupe Nawak dans la chanson N'importe Nawak. C'est tiré de la compilation Extraterrestre. Yannick Marcil, bonjour. Bonjour. On a l'impression de vivre une période extraterrestre. D'extraterrestre ces temps-ci avec la folie furieuse autour du temps des fêtes. N'est-ce pas? Oui, effectivement. Comme chaque année, on s'y retrouve plus, on dirait. On s'y retrouve plus. Juste rappeler que vous êtes économiste à votre compte, que vous faites des recensions d'essais sociopolitiques au Huffington Post. Fort intéressantes vos recensions. J'invite fortement nos auditeurs à les lire, à se rendre au Huffington Post et à chercher Yannick Marcil. Vous êtes aussi auteur de nombreux articles et chapitres de livres. Vous êtes régulièrement appelé à commenter l'actualité économique et politique dans de nombreux médias canadiens et même étrangers. Là, c'est le quatrième sujet de notre chronique mensuelle et il y a un lien avec la folie furieuse du temps des fêtes. Peut-être d'abord, dans un premier temps, si vous voulez bien rappeler le but de votre chronique, les utopies concrètes. Oui, ben en fait, on essaie hein, chaque mois d'identifier un problème économique et social et de lui apporter des solutions originales. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'utopies concrètes, c'est-à-dire des solutions qui sont peut-être pas... dans le courant majeur, mais qui peuvent être appliqués et applicables. Justement, quel est le problème qu'on essaie de sur lequel on se penche? Justement, avec le temps des fêtes, on sait que, comme vous venez de le dire, que c'est la folie de la consommation. Il suffit d'aller se promener sur les réseaux sociaux lorsque Noël approche là, pour voir comment les gens sont, ou même simplement au travail ou dans notre entourage, comment plusieurs de nos concitoyens sont stressés, omnibulés par cette course aux cadeaux. Hein. Donc, c'est le temps de l'année où la consommation est à son plus fort. Hein. Il y a une majorité de commerçants, notamment, qui prétendent faire à peu près la moitié de leur chiffre d'affaires dans le temps des fêtes. Donc, c'est pas rien. C'est un phénomène réel. C'est pas une vue de l'esprit. Et au point de vue de l'individu, c'est que justement, ce dont je parlais, là, cette espèce de frénésie, c'est une logique dans laquelle on est embarqué un peu malgré nous. Il y a déjà plus de 100 ans, il y a un grand sociologue américain qui s'appelle Thorstein Veblen. On va remettre son nom, Yannick, sur notre blog pour que les gens puissent le Oui, bien sûr, avec plaisir. Je pourrais référer à quelques textes. Il parlait, lui, de consommation ostentatoire. Donc, il identifiait ça dans la classe aisée, celle qui a le pouvoir économique, etc. Mais sa vision était prophétique, dans le fond, de la contamination de cette consommation ostentatoire à l'ensemble de la société, de la classe moyenne, c'est-à-dire de consommer pour montrer aux autres notre statut social. Ouais. Donc, on est rentré dans un peu de logique, hein, puis on en avait déjà parlé il y a un moment ensemble à votre émission, c'est de rentrer, d'être asservi, d'être complètement obnubilé par, malgré nous encore une fois, par cette nécessaire, bien que fausse, cette nécessité de consommer pour montrer notre statut social, parce que tout le monde le fait. On l'a vu tout récemment, là, comme chaque année, lors du célèbre Black Friday, ouais. Particulièrement aux États-Unis. Hein. Le vendredi fou, comme l'appelle l'Office de la langue française. Exactement, ouais. Le vendredi fou, et qui porte bien son nom. Donc, c'est le vendredi qui suit le Thanksgiving, où les commerçants, et plus particulièrement Walmart, font des rabais spectaculaires là sur un paquet de marchandises, notamment l'électronique là, qui est très prisée, et où des gens font la file devant les portes à partir de la veille. Hein. C'est absolument hallucinant. On s'installe avec nos manteaux, nos machins pour pouvoir être parmi les premiers à rentrer dans le magasin et consommer. À un point tel que ce niveau de folie est atteint lorsqu'il a été atteint, à mon sens, en 2008, c'est très médiatisé, lorsqu'un commis d'un Walmart, justement, aux États-Unis, est décédé parce que les gens l'ont littéralement piétiné en rentrant dans le magasin pour aller acheter ces produits-là. Donc, c'est au point de vue individuel, là, si on veut, là, de la psychologie de la masse, c'est devenu une espèce de folie. C'est comme le paroxysme, évidemment, ce fameux Black Friday, ce vendredi, oui. Mais de consommer à tout prix, de devoir, pendant le temps des fêtes particulièrement, devoir absolument acheter des bébelles dont on n'a pas besoin au final, et oublier complètement le sens de la vie bonne, de ce qui est important dans la vie. Le sens de la fête aussi, là, le sens de... Dans ce cas-là aussi, oui. Ou simplement de la réunion familiale ou amicale, peu importe, mais si on est à des lieux là d'une réflexion sur ce qui est une bonne vie en se garochant, je fais l'expression littéralement sur cette consommation-là. Oui, et ça pose un certain nombre de problèmes. Ben tout à fait, parce que ça, c'est l'espèce d'asservissement dont je parlais, là, que à quelque chose qu'on fait sans trop le vouloir, sans trop y réfléchir, mais au point de vue collectif, ça pose des problèmes. Et c'est un problème qui est paradoxal, parce que il y a quelque chose de relativement nouveau dans notre société, grosso modo depuis les années 70, c'est que la consommation est le principal moteur de notre économie. Avant les années 70, grosso modo, les deux tiers de la production, de l'économie, était centré sur la production, ouais. Sur la production de biens et de services, de l'extraction des ressources naturelles, l'agriculture, les marchandises, etc. Depuis, il y a eu donc un inversement, c'est le ratio inverse. Le deux tiers de notre économie est fondé sur la consommation. Donc, autrement dit, la croissance ne peut se nourrir que par cette consommation effrénée. Alors, c'est quoi les conséquences? Mais il y avait deux grandes conséquences. D'abord, les Statistiques Canada le démontraient il y a pas plus tard qu'il y a trois jours, un taux d'endettement historique hallucinant. C'est-à-dire, on est rendu à plus de 160% de taux d'endettement, c'est-à-dire la quantité de dette qu'on a en moyenne dans les familles au Canada par rapport à notre revenu. Donc, c'est 1,6 fois nos dettes, c'est 1,6 fois nos revenus. Et on a atteint un nouveau sommet. Malgré la crise, malgré que ça ne va pas bien nulle part, on continue à s'endetter. Pourquoi? Pour consommer, pour faire fonctionner la machine. C'est complètement fou. Complètement, absolument. Collectivement, c'est aussi fou que le comportement individuel dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Et deuxième conséquence, évidemment, qui est bien connue, bien, c'est sur l'environnement. Hein, cette consommation qui crée de la pollution, qui crée des déchets, on n'a qu'à penser à l'électronique où il y a quelques années encore, on changeait notre appareil téléphonique une fois ou 25 ans, puis là maintenant, c'est une fois par année ou presque qu'on va changer notre téléphone intelligent, qui a des conséquences évidentes sur l'environnement. Donc, collectivement, ça n'est pas que cette folie, le consumérisme contre laquelle on pourrait avoir un jugement moral, mais il y a des conséquences à la fois économiques, donc de cet endettement, et écologique très, très important. Oui, peut-être signaler en passant, Yannick, que derrière l'endettement, il y a aussi des drames vécus par les gens qui, à un moment donné, vivent des stress, vivent des angoisses de devoir rembourser, de ne pas être en mesure de le faire. Là. Absolument. Et là, on est dans une situation, on peut digresser rapidement là-dessus, on est dans une situation où on a des taux d'intérêt les plus bas depuis à peu près toujours. On n'a jamais vu des taux d'intérêt aussi bas, donc c'est facile de s'endetter, c'est facile, entre guillemets, de s'endetter. Ouais. Mais c'est surtout un très grand danger. Le jour où les taux d'intérêt augmenteront ne serait-ce qu'un tout petit peu, combien de familles, comme on l'a vu évidemment pendant la crise en 2008, seront accrues au pied du mur parce que ne seront même plus capables de rembourser le minimum. Alors ça, effectivement, comme vous le dites, ce sont des tragédies individuelles importantes. Là. C'est des familles qui vivent non seulement présentement peut-être un stress, mais se promènent avec une épée de Damoclès sur la tête, littéralement. Et il y a des solutions quand même. Bien, on voit poindre, puis ça aussi on en a parlé, mais à votre émission dans le passé, ça me permet d'y revenir avec plus d'insistance en quelque sorte. Ouais. Il y a plusieurs initiatives très locales, souvent très communautaires, pour contourner en quelque sorte cette folie-là. C'est-à-dire que au-delà de faire la morale, de dire on doit moins consommer, puis ça sert à rien d'acheter des cadeaux à Noël en quantité industrielle, il est possible de rester dans cette, par exemple, pour le temps des fêtes, dans cette, cette joie festive d'offrir, de donner à l'autre, qui est tout à fait légitime et humain et agréable, sans justement détruire ou nourrir cette machine économique folle, ni détruire l'environnement. Donc, il y a, par exemple, on voit là, ça se multiplie, la généralisation du troc. Hein, quelque chose qui était, qui existe depuis toujours, bien sûr, mais qui, grâce notamment à l'Internet, aux réseaux sociaux, aux médias sociaux, est facilité. Donc, un peu partout au Québec, notamment, il y a des réseaux d'échange de biens et de services. On le voit à petite échelle, par exemple, quand j'ai un ami qui avait fait une espèce de recherche systématique sur les petites annonces, et où on voit que de plus en plus, les gens utilisent les petites annonces pour acheter ou vendre des biens, mais ça existe aussi à plus grande échelle. Par exemple, il y a des initiatives au Québec comme qui s'appellent Troc des trucs, les jardins d'échange universels, les banques d'échange communautaire de services, etc., qui offrent, dans le fond, une espèce de plateforme d'échange où, je sais pas moi, vous êtes échanger une coupe de cheveux contre, n'importe quoi, un panier de tomates. Oui, même offrir une coupe de cheveux, ça peut être un beau cadeau à un ami. Ben, oui, tout à fait. Mais là, en parlant de troc, là, c'est vraiment ce qu'on a comme objet, par exemple, qu'on va échanger contre d'autres objets ou tout simplement nos services, notre compétence qu'on va offrir et qu'on va échanger contre une autre compétence. Donc, le coiffeur pourrait échanger une coupe de cheveux contre un petit boulot de plomberie, par exemple. Donc, ça, on voit que ça se... C'est pas encore, bien sûr, ça, on s'entend que ça n'a pas remplacé là, l'économie de marché traditionnelle, mais c'est de plus en plus attirant pour beaucoup de gens de faire ce genre d'échange-là. Pour plein de raisons, généralement motivé par ce sont des motivations idéologiques ou de valeurs, hein, mais aussi parce que ça recrée un lien beaucoup plus étroit au sein de la communauté. Oui. Et vous me l'avez vous-même d'ailleurs signalé, d'autres initiatives, comme par exemple, il y en a une, ce que vous m'avez signalé à Québec demain après-midi, la fondation NAVTI, qui est une fondation humanitaire caritative pour qui vient en aide aux plus démunis du Cameroun, organise, je vais le dire pour vous dire, là, au 110 de la 10e rue à Québec, demain de 12h à 16h, des ateliers de bricolage de Noël. Donc, on bricole littéralement des cadeaux pour nos proches, des ateliers pour apprendre, mais ça, je ne savais même pas que ça existait, la technique furoshiki, c'est-à-dire pour emballer des cadeaux avec du tissu. Donc, là aussi, on se veut être un peu plus écologique, etc. Effectivement. Et tout simplement, encore une fois, une initiative communautaire qui rapproche les gens. Et ça, on le voit là un peu partout dans le monde, et particulièrement dans les endroits qui sont particulièrement touchés par la crise, notamment au Portugal, en Italie, en Grèce. Ce genre d'initiative, que ce soit du troc, le développement dans les communautés, de nouvelles manières de consommer, de mieux consommer, de consommer de façon plus durable, et de retisser encore une fois de façon plus solide les liens communautaires, on les voit éclore un peu partout. Donc, ça demeure encore marginal, mais je pense qu'il y a là une espèce de volonté là de reprise en main de notre consommation en quelque sorte. Oui, ici à Québec, il y a le lieu aussi, le centre en art actuel, qui fait une belle activité le 19 décembre prochain, là, une fabrique de cadeaux. Alors ça, c'est drôlement intéressant. Échange de cadeaux aussi, donc c'est du troc aussi, en un sens. Oui. Tout à fait. Et quelque chose qui peut sembler un peu, comment dire, un retour vers la mode hippie ou je ne sais trop quoi, mais qu'en même temps, c'était plein de sens, justement, par opposition à cette folie consumériste et à cette course complètement hallucinante qui, je le répète, là, c'est pas du prêchi-prêcha, là, de bons petits gâteaux. Ça a des conséquences économiques et écologiques grandioses, ce que nous faisons comme ces décisions que nous prenons en consommant à outrance. Et avant que la machine nous pète dans la face ou que la nature arrête tout simplement de nous nourrir, il est peut-être urgent justement de repenser cette consommation et de pas changer nos appareils électroniques ou à chaque année ou notre, je sais pas moi, de refaire la salle de bain ou la cuisine à tous les 5 ans pour être au goût du jour et penser peut-être un peu plus de façon durable. Ouais, j'imagine les yeux des enfants autrefois parce que ça se faisait autrefois, il y avait des gens qui avaient du talent pour gosser, comme on dit en bon québécois, qui fabriquait un petit jouet, un petit cheval, une voiture de bois, etc. J'imagine les yeux des enfants qui reçoivent un cadeau qui a été fabriqué par l'oncle ou par le parent. Ça doit être, c'est absolument, il faut. Et on peut leur redonner ce goût-là, non seulement aux enfants, mais aux parents, ou aux oncles, ou aux amis, tout simplement. C'est d'autant plus précieux. Tout le monde qui a des enfants ou qui a des enfants dans son entourage le savent, donc c'est à peu près tout le monde sur la planète. Recevoir ne serait-ce qu'un dessin de la part d'un enfant comme cadeau, c'est probablement le plus beau cadeau du monde. Pourquoi on ne fera pas l'inverse? Exactement. Ben, Yannick, merci beaucoup. J'espère qu'on aura amené un peu de réflexion dans l'esprit des gens qui nous écoutent, qu'ils auront le goût de peut-être pas cette année, mais tranquillement, pas vite, là, de changer leurs habitudes, d'aller davantage vers soit des formes d'échange, soit eux-mêmes de fabriquer quand ils sont en mesure de le faire, ou que serais-je, de donner un service. Et penser surtout aux conséquences à long terme de nos gestes, parce que lorsque nous consommons, peu importe ce que nous consommons, il y a des conséquences. Oui, sans compter qu'on alimente cette machine qui est la machine financière qui est en train complètement de bouffer l'économie. Exactement. Ben, merci beaucoup, Yannick Mercier. Ben, ça me fait plaisir. J'en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Eh bien, pareillement, de très joyeuses fêtes à vous. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Donc, c'était Yannick Mercier pour la chronique des utopies concrètes. J'en vois, j'en imagine déjà qui se disent « Ah, la bonne idée, j'ai un certain talent, je suis capable de fabriquer quelque chose. Pourquoi je le ferais pas plutôt que d'aller l'acheter, le jouet que je vais offrir à ma fille, à mon garçon, à mon neveu, à ma nièce? » Mais moi, je vous encourage fortement à le faire. On va écouter ça sera pas bien long, je vais le retrouver. Plume la Traverse, voilà. On va écouter notre ami Plume la Traverse, la balade des caisses de 24. Errer de taverne en taverne à la recherche d'une bouée. Les yeux noyés dans le fond des cernes, comme des yeux de zombies marinés. Dérivé de bière vide en bière pleine, dans le matin ensoleillé, se sentir gonfler la bédaine. Comme un montgolfière essoufflé, poigné aux portes de l'Éden, n'est qu'une maudite envie de pisser sa peine. Errer de taverne en taverne comme un chien perdu sans collier. De quarantaine en paliverne avec les épaves ballottées. Voilà, c'était une partie de la chanson La balade des caisses de 24 de Plume la Traverse, histoire de se mettre un peu dans l'esprit du temps des fêtes, mais histoire aussi de vous rappeler d'être prudent et d'utiliser un taxi ou d'utiliser le nez rouge ou un ami si vous avez un party quelque part et que vous prenez quelques verres. Je vous incite fortement à surtout ne pas conduire la voiture. On va écouter l'éditorial de Claude Vaillancourt. Réunie à Bali pour une première grande réunion depuis des lustres, l'Organisation mondiale du commerce a réussi à faire avancer son agenda aux dépens des populations de toute la planète. Sortant d'un long sommeil qui ne dérangeait personne, bien au contraire, la voilà relancée et prête à nuire à nouveau pour les seuls intérêts des grandes entreprises multinationales. Cette rencontre a été marquée par une surprenante inflation verbale. Pendant les négociations, on annonçait ni plus ni moins que la fin de l'OMC. La vénérable organisation ne pourrait pas survivre, disait-on, à une nouvelle mésentente de ses membres. On culpabilisait de manière préventive tous ceux qui oseraient s'opposer au consensus recherché. On ramenait dans le rang tout pays mal disposé. Qui donc, dans ce cas, accepterait de porter sur ses épaules le poids d'un pareil échec? Pourtant, l'OMC aurait sans aucun doute survécu. Comme elle l'a fait depuis 2006, alors que le cycle de Doha a été bloqué. Elle a des accords à administrer, des tribunaux à entretenir, des fonctionnaires à maintenir en poste, des études, de beaux documents, de la propagande à diffuser. Pourtant, sa mort éventuelle n'aurait attristé personne. Son objectif de base de marchandiser le plus grand nombre de secteurs possibles de l'économie est, selon plusieurs, une vision plutôt cauchemardesque de l'avenir. À Bali, après que l'accord ait été scellé, les déchirements tragiques ont laissé place à de la jubilation, tout aussi déraisonnée que l'alarmisme précédent. L'accord qualifié d'historique créerait pas moins de 21 millions d'emplois et son impact sur l'activité économique globale pourrait atteindre 960 milliards de dollars. D'où viennent de pareils chiffres? Sur quoi s'appuient ces folles prévisions? Mystère. Pourtant, ce qu'on connaît du libre-échange ne ressemble pas à ces statistiques jovialistes. Croissance des inégalités, concurrence sauvage entre les travailleurs qui voient diminuer la qualité de leurs emplois, industrialisation de l'agriculture aux dépens des sociétés paysannes, dégradation de l'environnement, recul de la démocratie, etc. Comme quoi, on n'a toujours pas renoncé à nous faire passer des vessies pour des lanternes. Tout n'est pas idyllique aux yeux de l'OMC cependant. On nous a dit, par exemple, que ce qui a été négocié à Bali ne couvrait que 10% de ce qui était inclus dans le cycle de Doha. Mais ce maigre 10% suffit, hélas, à faire bien des ravages. L'un des aspects les plus inquiétants de ces négociations concerne les avancées dans le secteur de l'agriculture. Le seul fait que l'agriculture ait été négociée est déjà une perte, alors qu'elle devrait, en principe, être exclue des accords commerciaux. Un secteur aussi essentiel à la survie des gens ne devrait pas être soumis à la simple loi de l'offre et de la demande. La rencontre de Bali a été marquée par une opposition entre l'Inde et les États-Unis. Pour l'Inde, il importait de bien protéger les populations pauvres en leur assurant une sécurité alimentaire. Les États-Unis ont réussi à obtenir de l'Inde une clause de paix qui ne protège que les politiques de sécurité alimentaire déjà existantes et ne concerne que les cultures de base. En plus, seule l'Inde peut en profiter. Fini donc la solidarité entre les pays pauvres, et tant pis pour les populations affamées. L'important, est-ce que c'est pas d'envoyer le plus grand nombre de produits n'importe comment et partout dans le monde? À l'heure où nous devons nous préoccuper d'une destruction sans pareil de notre environnement, rien n'est plus anti-écologique que la vision de l'OMC de l'agriculture. Il faut produire vite, à bas coût, sans se préoccuper des conséquences sur les populations paysannes. La misère humaine et les atteintes à la nature ne comptent pas devant les gros profits qui s'accumulent. L'OMC continuera à sévir, et pas seulement en agriculture. Des pays qui se regroupent sous le nom de vrais bons amis des services, et c'est pas une blague, dont le Canada, envisagent une grande libéralisation des services, santé, éducation, transport, tout ça de plus en plus ouvert à l'entreprise privée. Certains prétendent que les négociations sur le mode multilatéral à l'OMC valent mieux que les accords bilatéraux qui sont négociés un peu partout. Il s'agit tout simplement de deux chemins qui mènent exactement au même endroit. Et notre devoir de citoyen et de citoyenne, c'est de poser de solides barrières sur ces deux chemins. Téléchargez l'émission Michel-Ange sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Au nom de Pascal, de l'instant impérial, de la blonde Billon. Au nom de Bastien, de Jacob, de Thierry, de la rose forte aux fruits. Allez, tous ensemble! Au nom d'Annick, d'Isabelle, de Sonia et de la IPA. Au nom d'Éric, Sophie, Dominique et de tous nos produits. La Barberie vous souhaite un merveilleux temps des fêtes. Que vous aimiez l'ambré au piment ou la brasse camarade. Mes chers amis, n'oubliez jamais que l'abus ne fait pas le moine. Oh non, l'abus ne fait pas le moine. Bien implanté dans l'espace culturel de Québec, le Ciccio Café vous propose une fine cuisine italienne assaisonnée d'une musique aux notes décontractées. Notre chef vous concocte avec amour un accord mets-son incomparable pour le plaisir de vos papilles et de vos oreilles. Le tout orchestré par un personnel attentionné et sympathique. Profitez de nos spéciaux tous les midis et découvrez l'harmonie des tables d'hôtes le soir. Surveillez également nos rabais dans le Passe-partout Bonne Chère. Pour réservation, 418-525-6161, menu disponible sur chichiocafé.com. Voici une histoire de Noël dont vous êtes le héros. Au son des grelots, ajustez la balance de votre radio à droite ou à gauche pour en choisir la fin. Après avoir fêté allègrement, vous désirez rentrer à la maison en sécurité. vous décidez d'appeler un taxi ou l'opération Nez Rouge. Peu importe le choix, l'important c'est que votre histoire se termine bien. L'opération Nez Rouge célèbre ses 30 ans grâce à vous. Faites partie de la tradition en composant le 1-866 Desjardins. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station. CKRL. J'ai froid et je ne trouve plus la boutique Alpaca. Ils sont déménagés au 669 rue Saint-Jean. Ils ont toujours les mêmes belles choses, chaudes et douces. Et plus encore, et en plus, elle est plus chaude et douce que jamais. Bon, j'irai tout de suite. 669 rue Saint-Jean. C'est bien ça, 669 rue Saint-Jean, entre Sainte-Geneviève et Sainte-Marie. 418-522-2720 ou visitez notre site web www.alpaca.com. La bouquinerie Nouvelle Chance est une jeune entreprise d'économie sociale qui fait la vente de livres, de CD et de disques vinyles d'occasion, située au 1595 Canardière à Québec. Vos achats nous permettent de poursuivre notre mission sociale et culturelle. Nos bénévoles passionnés de musique et de littérature se feront un plaisir de vous accueillir et vous serez étonnés par nos bas prix. Venez nous visiter pour bouquiner ou apportez-nous vos livres et vos disques afin de leur donner une nouvelle chance. Offrir une carte de membre de CKRL en cadeau? Pourquoi pas? À seulement 25$, vous ferez le bonheur de l'un ou de l'autre. Une façon rapide de le faire, ckrl.qc.ca et cliquez sur l'onglet « Devenir membre ». Pas que tu m'en veuilles, mais je crois que j'ai bien fait. J'aurais pas assez d'une feuille pour te dire que je m'en vais. Je crois que dans le fond, t'osais pas me le demander. Voilà, j'en fais mon deuil, puisque le courage te manquait. T'étais ma rose, Linda, je te reconnais pas. J'avais ton cœur sur ma boussole, qui était signée Lily. Pas voulu plonger, et moi j'étais trop près. Mauvais timing sûrement, blessé par les aiguilles du temps. Je me fais vieux, tu comprends. Ça fait 2 ans que je t'attends. Attendre qu'on m'aime pour être honnête. Je suis trop macho, je me sens tapette. Je me sens trop rose, Lina. Je me reconnais pas. Je me sens comme une pâte. Nous sommes de retour. Vous écoutez l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec sur les ondes de CKRL 89.1. N'oubliez pas que vous pouvez en tout temps devenir membre de CKRL et aussi faire un don en ligne en vous rendant sur notre site web ckrl.qc.ca. Merci de nous soutenir. Bonjour Nicole Moreau. Bonjour Michel. On éprouve des petits pépins à joindre un de vos invités, Monsieur Normand Pépin. On n'est pas capable de le rejoindre, mais vous avez un autre invité avec vous cette semaine. Oui. Vous nous parlez de votre chronique. Je vous laisse avec votre invité. Alors, je le présente d'abord. C'est Jean-Sébastien Plourde de la CDR, de la Coopérative de développement régional Québec-Chaudière-Appalaches. Et nous allons parler... Quand M. Pépin de la CSD pourra se joindre à nous, on le prendra au vol, d'un document qui a été fait sur les coop en milieu de travail, un choix de développement, point d'interrogation, oui. Alors, en fait, c'est, si je vous mets en contexte, il est connu qu'il y aura d'ici quelques années nécessité pour bien des gestionnaires d'entreprise de passer le flambeau à la relève. À titre d'exemple, dans Le Soleil, il était rapporté en 2011 qu'au cours des 10 prochaines années, 14 000 propriétaires seront dans cette situation. Plusieurs solutions existent à cet égard. J'imagine que c'est pour ça qu'il a été jugé nécessaire de rédiger la brochure, Jean-Sébastien. Ben oui, en effet. Ben le problème criant là, de la relève d'entreprise touche beaucoup de monde, là, dont les milieux syndicaux aussi. Puis l'univers syndical et le monde coopératif là, partagent de nombreuses valeurs, dont entre autres la démocratie. Mm-hmm. Fait que dès le départ, il y avait un maillage de principes et de valeurs qui semblait évident. Puis en économie sociale, ben la formule la plus optimale là, pour la relève d'entreprise, c'est souvent la coopération du travail. la coopération du travail, là, l'idée, c'est de se doter d'un emploi décent et de qualité, là, à l'image que veulent donner les travailleurs. Puis les conditions sont donc au centre des préoccupations, puis on peut aussi faire un lien évident là, avec les syndicats. Là. OK. Alors, comment vous comptez à la CDR, parce que c'est vous qui êtes plus en lien avec les entreprises dans le milieu. La CDR, c'est vraiment uniquement là, deux régions là, pour l'organisme que vous représentez, donc la région de Québec, la capitale nationale, et la région de Chaudière-Appalaches. Comment comptez-vous l'utiliser et comment pensez-vous qu'elle sera reçue dans le milieu? La brochure, toujours, les coops en milieu de travail, un choix de développement. Oui. Ben, faut dire aussi qu'il y a des CDR partout au Québec, là. La nôtre que je représente, là, on travaille vraiment dans nos deux régions, là, mais il y a des CDR qui couvrent tout le territoire de la province. C'est pas encore arrivé qu'on a eu à utiliser la brochure en tant que telle, là. Premièrement, on salue l'approche, là, faite, tu sais, de cette initiative-là, parce qu'on s'adresse aux travailleurs, là. On fait pas juste parler aux propriétaires, puis on implique directement là, les travailleurs dans la réflexion là, de qui va les toucher. Là, c'est eux qui sont les plus touchés par les risques d'une fermeture ou d'une entreprise. Là. Donc, l'idée de cette brochure-là devient un outil de plus qu'on a à notre disposition pour sensibiliser puis informer autant le monde patronal que le monde des travailleurs là, d'une option qui s'offre à eux. Là. OK. Donc, c'est comme un outil de sensibilisation et d'information pour une nouvelle piste pour ce besoin de relève. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez eu... Je sais que la brochure est assez récente. Elle a été faite par un consortium des trois centrales syndicales, CSN, FTQ, CSD. Est-ce que vous avez eu l'occasion ou est-ce que vous pensez que la brochure a été testée auprès de, entre guillemets, là, de certains propriétaires de PME avant qu'elle soit publique? C'est une bonne question. J'ai pas l'information, malheureusement. Ah, OK. C'est M. Pépin qui pourrait... Oui, M. Pépin était probablement à meilleure place pour répondre. OK. Mais quand vous allez dans les milieux de travail, dans des entreprises où on voit bien qu'il y aura besoin de relève, vous commencez déjà à parler de la voie coopérative. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on fait déjà sur le terrain. Là. Ça fait partie de notre mandat. Oui. Puis c'est quand même assez rare qu'on a eu à intervenir dans des milieux syndicaux, là, mais c'est pas impossible que ça arrive. Là. Quand ça va arriver, là, maintenant, on a un outil là, pour avoir un langage commun avec la partie syndicale, un outil de travail là, puis qui va pouvoir nous permettre de bien mettre en place autant la coopérative, mais la mettre en place en collaboration avec le milieu syndical sur place. Là. Ah, d'accord. Est-ce que vous pouvez expliquer, parce que dans la brochure, il est question de trois types de coopératives. Les coopératives de travail, les coopératives de solidarité et la dernière coopérative, les travailleurs actionnaires. Est-ce que vous pouvez expliquer succinctement les différences entre les trois types de coopératives auxquelles il serait possible d'avoir recours pour assurer la relève? Oui, dans un cas de relève, ben la coopérative de travail, c'est vraiment l'entièreté, ben une partie des travailleurs qui vont devenir les propriétaires, là, qui vont acheter l'entreprise puis qui vont devenir les gestionnaires en plus d'en être les travailleurs. Là. Donc l'entreprise va appartenir seulement aux travailleurs. Dans le cas d'une coopérative de solidarité, là, on partage le risque entrepreneurial entre les employés puis une autre catégorie de membres. Là. La coopérative de solidarité, sa particularité... Les utilisateurs? Oui, les utilisateurs. Okay. Puis les utilisateurs, ça peut être soit des consommateurs là, de ce que l'entreprise a à offrir, là, que ce soit un bien ou un service, ou les utilisateurs, ça pourrait être aussi, par exemple, nous, ce qu'on appelle dans notre jargon, les producteurs, là, des gens qui s'offrent un service professionnel via... des fois, ça peut être, par exemple... un fournisseur de transport ou quelque chose, là, ou quelqu'un qui s'occupe de faire la comptabilité ou autre chose. Là. Donc, il y a un lien avec l'entreprise. Là. Mm-hmm. Donc, c'est ça l'idée de la coopérative de solidarité, c'est que les employés vont partager la gestion avec un autre type de membre. Et puis la dernière... oui. Excusez-moi, vous voulez dire donc que la gestion d'une entreprise, d'une coop de solidarité est partagée entre... les travailleurs qui y travaillent et certains autres utilisateurs, dont, par exemple, des consommateurs de services, si c'est une coop de solidarité de services. Exactement. OK. Puis la dernière, la coopérative de travailleurs actionnaires, là, c'est les travailleurs qui vont se regrouper ensemble pour, via leur coopérative, acheter un bloc d'actions d'une entreprise Inc., là. Donc, ils ne seront pas les propriétaires. Ben, ils pourraient éventuellement devenir les propriétaires majoritaires, là. Mm-hmm. Mais donc, les actionnaires d'une entreprise acceptent de vendre une partie de leur bloc d'actions à leurs employés, là. Donc, les employés de la coopérative vont partager, encore une fois, selon le nombre d'actions votantes qu'ils ont, le pouvoir avec d'autres personnes. C'est un cas qu'on voit davantage dans les cas de relève transitoire, là, où, par exemple, un ou des actionnaires vont, au cours d'une certaine période, vendre des blocs d'actions à une certaine fréquence pour qu'éventuellement, peut-être, les employés possèdent 100% de l'entreprise. Là. OK. Moi, ce que je comprends là-dedans, là, parce que avec cette formule-là, je suis moins familière, c'est que c'est une entreprise de l'économie classique ou libérale qui laisse aller certaines actions ou enfin certaines parts de responsabilité d'actionnaires au profit des travailleurs. Oui, exactement. OK. C'est sans doute plutôt transitoire de façon générale. C'est transitoire de manière générale, mais dans certains milieux très spécialisés, là, dans des technologies de pointe, entre autres, où les employeurs s'arrachent la main-d'œuvre spécialisée, là, ça devient une manière pour une entreprise de fidéliser ses employés, là. Fait qu'on le voit aussi beaucoup dans cette dynamique-là de mobiliser, dynamiser et impliquer autant au niveau de la part des richesses, là, que l'entreprise peut faire, là, les employés, là, dans le modèle. De garder les employés, étant en partie propriétaires, ils vont rester plus. Ben, c'est le pari qu'ils font. Ça paraît qu'il Est-ce qu'il le souvent. Gagne? Oui, bien souvent, oui. D'accord. Pour quelle raison voyez-vous davantage un type de coopérative en fonction d'un type de secteur d'activité? Donc, pourquoi, par exemple, les coops de solidarité sont plus dans les services? Je fais l'hypothèse, je n'en sais rien. Et d'autres, des coops de travail sont plus dans la production d'autres choses. Ben c'est effectivement il y a certaines tendances là, mais quand on intervient auprès d'un dossier, on regarde pas le milieu d'affaires tant que tel que le contexte puis le besoin des membres là. Du moment qu'on est dans, c'est sûr que les coops de solidarité, du moment qu'on a plus, on a des employés et un autre groupe qui sont impliqués dans le risque de fermeture, la coop de solidarité va arriver très tôt comme étant une possibilité qui fait sens là. Dans le cas des où ce sont seulement les employés qui sont concernés, ben la coop de travailleurs va être inévitable. La solution logique. Exactement, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a déjà des entreprises qui fonctionnent comme ça dans les secteurs? Parce qu'on n'a pas encore parlé des secteurs d'activité. On peut parler, par exemple, solidarité, services. Mais il y a peut-être des choses plus spécifiques là, qui fonctionnent comme ça, comme sous un modèle de coop et qui sont performantes. J'ai pas d'exemple là, qui me viennent rapidement en tête là, à ce sujet-là. OK, mais peut-être que la question du lien entre la formule et le secteur d'activité n'est pas nécessairement dans le document. En tout cas, moi, ça sautait aux yeux que les centrales syndicales y voyaient un lien logique. Moi, je n'y voyais pas de lien logique. Monsieur Pépin, si on arrive à le retrouver, va peut-être nous l'expliquer. OK. Et comment vous voyez peut-être la cohabitation au sein d'une même entreprise, d'une structure syndicale? Parce qu'il reste que, j'imagine que les syndicats ont pu penser qu'il y aurait, parce que des PME, il y en a des grosses aussi, là, qui ont une structure syndicale. Monsieur Pépin? Allô? Bonjour, Monsieur Pépin. Nicole Moreau. Bonjour. Alors, oui, on s'excuse de l'imbroglio, hein? C'est fort dommage. On a commencé avec Jean-Sébastien Plourde de la CDR, de la Coopérative de développement régional Québec-Chaudière-Appalaches, à parler de votre brochure qui s'appelle Les coops en milieu de travail, un choix de développement, oui. On est passé par-dessus la question dont on avait déjà parlé, qui est à l'effet de d'où est venue l'idée de collaborer entre centrales syndicales pour avoir une telle brochure. Bon, d'où est venue l'idée? Ça remonte à... Parce que précédemment, on avait aussi tenu un séminaire intersyndical, CSD, CSN, FTQ, sur l'économie sociale. Bon, ça avait très bien fonctionné. Puis là, on s'était dit que ce serait intéressant de maintenir la collaboration. Puis il y avait aussi une situation qui nous préoccupait, c'est-à-dire que la formule coopérative était très peu connue. C'était partagé à travers les trois organisations syndicales et que ça pouvait être une option intéressante dans des cas de fermeture, de manque de relève ou de menace de délocalisation. Ça semblait être partagé aussi à la CDR Québec-Appalaches. Êtes-vous toujours là? Oui, je suis là. OK. en tout cas, ce volet-là, je connais un petit peu moins. Mais en tout cas, c'est de là qu'est venue l'idée de la brochure. Ça fait suite à un séminaire intersyndical aussi sur la question des coops de travail. D'accord. Et j'avais posé la question à Jean-Sébastien pour savoir si il y avait, vous, comme organisation, vous aviez eu l'occasion de tester la brochure auprès de certains propriétaires de PME. Pour savoir quelle réception une telle brochure pourrait avoir. Un peu dans l'ordre de, vous savez, vous parlez à une professionnelle de recherche. Alors, moi, j'avais l'habitude de tester mes outils de recherche. C'est pour ça que je vous posais la question. En fait, le lancement officiel de la brochure va avoir lieu le 28 janvier. Okay. Mais bon, on a fait une diffusion interne à nos organisations. À la CSD, je crois pas qu'elle a été testée, pour reprendre votre expression. Mais avant même l'existence de la brochure, nous autres, on a approché certaines directions d'entreprise pour savoir si... en particulier là, dans les deux cas qui me viennent à l'esprit, c'était un manque de relève dans des entreprises familiales, voir s'ils étaient intéressés à éventuellement vendre à une coopérative de travailleurs ou de travailleurs actionnaires. Fait que la brochure comme telle n'a pas été testée, mais si on peut dire son contenu, même si l'approche coopérative, elle a été testée à quelques occasions. Bon, d'accord. C'est en fait ce que je voulais savoir pour savoir quel accueil une approche coopérative pourrait avoir sur certains propriétaires de PME avant de la lancer grand public. C'est parce que moi, j'ai eu facilement accès à ça via le web. Et je me disais, je pensais qu'elle avait été lancée en octobre ou à fin d'octobre ou quelque chose comme ça. Alors, je vois qu'il n'en est rien. Ben, en fait, c'est parce que la brochure a été conçue par CSD, CSN et FTQ, oui. Mais le 28 janvier, elle va être lancée avec l'aide du chantier de l'économie sociale qui a aussi été un petit peu impliqué dans le séminaire intersyndical dont je vous ai parlé un peu plus tôt. D'accord. Et on va profiter de l'occasion du 28 janvier pour la faire connaître en dehors des milieux syndicaux. D'accord. C'est sûr que, bon, il n'y a pas eu de lancement, on n'appelle pas ça un lancement officiel, mais il a été diffusé et est disponible sur les sites Internet des trois organisations, ça, il n'y a pas de problème. Oui. Mais pour la faire connaître plus largement en dehors du milieu syndical, c'est le 28 janvier que ça va se produire. Ah, d'accord. Alors, OK. Et en fait, on en était rendu, si je ne m'abuse, comment la structure, et puis après ça, on aura un dialogue à trois, là. Et comment vous voyez la cohabitation au sein d'une même entreprise, d'une structure syndicale et du modèle coopératif, alors que ces organisations sont supposées fonctionner de façon démocratique? Il y a deux cas de figure, si on peut dire. Il peut arriver que dans une coopérative, les travailleurs, pour une raison quelconque, décident de se syndiquer. Ils ont droit, s'ils sont majoritaires, ils peuvent se syndiquer comme dans n'importe quel autre milieu de travail. Et ce qui peut aussi se produire, puis c'était le cas, par exemple, l'entreprise Philspec de Sherbrooke, qui a été relancée grâce à une coopérative de travailleurs actionnaires à la CSD, C'était une entreprise existante, déjà syndiquée, qui s'est transformée en coopérative parce que l'ancienne entreprise était en train de fermer, puis c'est les travailleurs. Dans ce cas-là, c'est une coopérative de travailleurs actionnaires parce que ça prenait des capitaux importants qui se sont alliés avec d'autres investisseurs et qui ont racheté l'entreprise pour la relancer. Et dans le domaine du textile, je vous dirais que c'est un exploit hors du commun. Oui, j'en conviens. Comme il reste peu de temps encore, j'aimerais qu'on parle des rôles respectifs de la CDR ou des CDR sur le terrain et des centrales à la fois dans le milieu syndiqué puis dans le milieu non syndiqué. Alors, peut-être je passerai la parole à Jean-Sébastien Plourde. Ben c'est sûr que pour les CDR, là, ce genre d'outil qui va nous aider à bien remplir nos trois mandats principaux, là, concerter les coop, aider au démarrage, puis soutenir les coop existantes. Là. C'est sûr que cet outil-là va nous aider principalement dans le volet démarrer ou des nouvelles coopératives, là, puis surtout pour la relève. Là. Fait que c'est ça, c'est un nouvel outil qui nous donne un point de départ pour avoir une action commune et concertée là, avec les syndicats dans le cas où ils sont impliqués aussi dans le cas d'une relève. D'accord. Et vous, Monsieur Pépin, pour les centrales? Ben, je pense que notre rôle premier, c'est de au-delà de la, parce que là, on a fait une diffusion à l'interne, mais c'est de s'assurer que dans les cas particuliers où il pourrait y avoir des menaces de, comme je vous disais tout à l'heure, fermeture des localisations ou tout simplement manque de relève, que les travailleurs sont au courant de cette option-là, des avantages de cette option-là, parce qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat, du manque de relève en entrepreneuriat, mais on n'entend jamais parler de l'entrepreneuriat collectif. Nous, on pense que c'est quelque chose à mettre sur la table, à faire connaître davantage, à cause des nombreux avantages que ça pose en termes de démocratie, de contrôle des gens sur leur milieu. Une fois que une coopérative investit, il y a beaucoup moins de menaces de délocalisation, puisque les gens travaillent pour leur propre gagne-pain. En tout cas, si je comprends bien, les centrales syndicales vont continuer à avoir un rôle actif, à la fois auprès des entreprises existantes et à la fois pour aider dans les syndiqués et non syndiqués pour pouvoir faire valoir aussi l'entrepreneuriat collectif. Oui, mais c'est sûr que auprès des entreprises non syndiquées, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on n'a pas nécessairement des entrées, on n'est pas présent dans le milieu de travail. Mais si par la diffusion de cette brochure-là, on parvient à faire connaître davantage la formule de l'entrepreneuriat collectif, ben ce sera ça de gagner aussi. Ce sera une option que les non-syndiqués pourront considérer éventuellement. Bon, alors, j'imagine que si des travailleurs voulaient s'informer auprès des centrales syndicales, pour une voie d'entrepreneuriat collectif, il y aurait des services possibles, ben, des services en tout cas minimalement de l'information possible distribuée via les centrales. Oui, tout à fait. Ça fait partie de notre mission. Puis on a développé chacun une expertise dans ce domaine-là. Nous autres, c'est, du côté de la CSD, c'est plus du côté des coopératives de travailleurs actionnaires à ce jour. Mais il y a une expertise qui est en train de se développer dans chacune des organisations à cet égard. Bon, ben écoutez, je vous remercie infiniment, puis j'espère que vous allez nous excuser pour l'imbroglio du début. Bon, c'est des choses qui arrivent. Merci beaucoup aussi, M. Okay. Plourde. Le plaisir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci à vos invités, Nicole. C'était bien intéressant, cette formule, effectivement, de coopérative, une façon pour les travailleurs là, de maintenir en vie une entreprise qui autrement fermerait. Je pense qu'on a besoin d'initiatives comme ça. Et de maintenir au Québec aussi des entreprises qui pourraient être délocalisées. Et effectivement, comme vous dites. On fait une brève pause musicale, très brève. Thank you.